Frédéric et son camarade réclamèrent hardiment celui qu'on venait de mettre en prison. Le factionnaire les menaça, s'ils insistaient, de les y fourrer eux-mêmes. Ils demandèrent le chef du poste et déclinèrent leur nom avec leur qualité d'élève en droit, affirmant que le prisonnier était leur condisciple. On les fit entrer dans une pièce toute nue où quatre bancs s'allongeaient contre les murs de plâtre, enfumés. Au fond, un guichet s'ouvrit. Alors parut le robuste visage de Dussardier qui, dans le désordre de sa chevelure, avec ses petits yeux francs et son nez carré du bout, rappelait confusément la physionomie d'un bon chien. « Tu ne reconnais pas ?» dit Hussonnet. C'était le nom du jeune homme à moustache. « Mais... » balbutia Dussardier. « Ne fais donc plus l'imbécile !» reprit l'autre. « On sait qui tu es, comme nous, élève en droit. » Malgré leur clignement de paupières, Dussardier ne devinait rien. Il parut se recueillir, puis tout à coup. « A-t-on retrouvé mon carton ?» Frédéric leva les yeux, découragé. Hussonnet répliqua. « Ah, ton carton, où tu mets tes notes de cours. Oui, oui, rassure-toi. » Ils redoublaient leur pantomime. Dussardier comprit enfin qu'il venait pour le servir. Et il se tut, craignant de les compromettre. D'ailleurs, il éprouvait une sorte de honte en se voyant aussi au rang social d'étudiant et le pareil de ces jeunes hommes qui avaient des mains si blanches. « Veux-tu faire dire quelque chose à quelqu'un ?» demanda Frédéric. « Non, merci, à personne. Mais ta famille ?» Il baissa la tête sans répondre. Le pauvre garçon était bâtard. Les deux amis restaient étonnés de son silence. « As-tu de quoi fumer ?» reprit Frédéric. Il se palpa, puis retira du fond de sa poche les débris d'une pipe, une belle pipe en écume de mer, avec un tuyau en bois noir, un couvercle d'argent et un bout d'ambre.